Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 39. Des personnes dans leur rapport avec l'essence. Identité de l'essence avec les personnes, unité d'essence, propriété des termes. 1. L'essence est-elle la même chose en Dieu que la personne? La personne du Père, répond saint Augustin, ne signifie pas autre chose que la substance ou l'essence du Père. La simplicité de Dieu exige, en effet, que l'essence soit dans la Trinité la même chose que la personne. La raison n'est que les relations, qui ne sont autres que les personnes, sont réellement subsistantes dans la nature divine, et que, tout en établissant, par leur opposition mutuelle, une distinction réelle entre les personnes, elles ne se distinguent de l'essence divine que d'une distinction de raison, ce qui n'est pas une distinction réelle. Note. Les relations, dans les êtres créés, sont des accidents, mais en Dieu elles forment la nature divine elle-même. Fin de la note. 2. Doit-on dire que les trois personnes de la Sainte Trinité sont d'une seule essence? Nous lisons dans saint Augustin, le mot homousios, consubstantiel, adopté par le Concile de Nicée contre les Ariens, signifie que les trois personnes divines n'ont qu'une seule essence. L'Écriture ne dit pas littéralement que les trois personnes sont d'une seule essence, mais elle le dit quant au fond. Par exemple dans ce passage, « Moi et le Père nous sommes un » Jean 10, 30. « Je suis dans mon Père et mon Père est en moi » Idem 14, 10. On pourrait citer plusieurs passages semblables. Note. On peut se servir de cette locution, « Les trois personnes sont d'une seule essence, unius essentiae », mais on ne pourrait pas dire les trois personnes viennent d'une seule essence, ex idem essentia, car on ferait entendre que l'essence diffère de la personne. Pour éviter ces amphibologies, on peut traduire, les trois personnes n'ont qu'une seule et même essence. Fin de la note. 3. Les mots qui expriment l'essence divine se disent-ils, au singulier, des trois personnes? Les substantifs, tels que le mot Dieu, qui désigne la nature divine, se disent des trois personnes, au singulier, ainsi nous dirons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu, par la raison que ces trois personnes ont la même essence divine, et qu'il n'y a qu'une seule divinité en elles. Mais les adjectifs s'affirment au pluriel des trois personnes, à cause de la pluralité des suppos, c'est pourquoi nous dirons très bien que les trois personnes sont éternelles, sages, immenses, en prenant ces mots adjectivement, au lieu que, si on les prenait substantivement, il faudrait dire, avec le symbole de saint Athanase, qu'il n'y a qu'un éternel, un incréé, un immense. 4. Les mots qui marquent l'essence divine d'une manière positive et concrète peuvent-ils signifier une personne? Notre symbole dit que le Fils est Dieu de Dieu. Par où l'on voit que les noms essentiels concrets peuvent parfois s'appliquer à une personne divine. Note. Par ces expressions, noms essentiels, on entend les substantifs qui marquent l'essence ou la nature divine, et par nom personnel ceux qui s'appliquent aux personnes. Les noms essentiels abstraits sont ceux qui désignent l'essence d'une manière abstraite, comme quand je dis « la divinité ». Les noms essentiels concrets la désignent d'une manière concrète, comme le mot « Dieu ». Fin de la note. Les noms essentiels concrets, tels que le mot « Dieu » et les autres semblables, se disent en effet, tantôt de l'essence, comme dans cette énonciation, Dieu crée, tantôt d'une personne, Comme ici, Dieu engendre, tantôt de deux personnes, Dieu spire, tantôt enfin de la Trinité tout entière, comme dans ce passage de saint Paul, à l'immortel roi des siècles, à l'invisible, au seul Dieu. 1 Timothée 1, 17. La raison n'est que, pour juger des propriétés des termes, on peut et on doit considérer non seulement l'idée qu'ils expriment, mais leur manière de l'exprimer. Tel est le mot Dieu, qui par lui-même se dit de la nature existant dans un suppôt. Comme la nature divine est réellement une et commune, on peut l'appliquer aux personnes avec un déterminatif qui conduise notre esprit à celle dont il s'agit, comme dans cette phrase, Dieu engendre, où l'acte notionnel désigne suffisamment la personne du Père. Mais si l'on disait, Dieu n'engendre pas, la proposition serait fausse, parce que rien n'applique le mot Dieu à la personne du Fils, et la phrase semble signifier que la génération répugne à la nature divine. Il faudrait alors ajouter un déterminatif et dire, par exemple, Dieu engendré n'engendre pas. Aussi l'on dira très bien, Dieu le Père engendre, mais Dieu le Fils n'engendre pas. 5. Les mots qui désignent l'essence divine d'une manière abstraite peuvent-ils se dire de la personne? Non, l'on ne dirait pas, l'essence engendre l'essence, quoique l'on dise bien, Dieu engendre Dieu. Il est vrai que le mot Dieu et le mot essence signifient l'un et l'autre la divinité, mais ils ne la signifient pas de la même manière. Dieu désigne l'essence divine comme existant dans un suppôt, et, par cela même, ce mot, à cause de son mode de signification, peut désigner naturellement une personne, aussi l'on dit, Dieu est engendré et Dieu engendre. Mais le mot essence ne peut, par son mode de signification, s'appliquer à la personne, puisqu'il signifie l'essence comme forme abstraite. Or, il est évident que les propriétés des personnes, c'est-à-dire les attributs qui distinguent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne doivent pas s'attribuer à l'essence. Ce serait porter dans l'essence la distinction qui est dans les personnes. Note. En principe, les noms essentiels abstraits ne se disent point de la personne. Lorsque l'on rencontre des expressions semblables dans les inducteurs, on doit remplacer les noms abstraits par les noms concrets, ou même par les noms personnels. Si, par exemple, je lis l'essence de l'essence, la sagesse de la sagesse, je traduirai ainsi, le Fils, qui est essence et sagesse, est né du Père qui est essence et sagesse. Fin de la note. 6. Les personnes peuvent-elles être désignées par des noms de l'essence? Comme les trois personnes sont identiques avec l'essence, on peut signifier par les noms qui expriment l'essence l'une ou plusieurs d'elles. On peut dire, par exemple, la nature divine est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le mot Dieu, qui, comme nous l'avons dit, s'emploie de lui-même pour l'essence, peut figurer seul pour exprimer les personnes, car de même que l'on dit, l'essence est trois personnes, on peut dire pareillement, Dieu est trois personnes. 7. Les noms qui expriment l'essence peuvent-ils être appropriés aux personnes? Les noms essentiels peuvent être appropriés aux personnes de deux manières. Premièrement, par voie de ressemblance, et c'est de la sorte que l'on approprie au Fils l'intelligence, parce que, comme verbe, il procède de l'entendement. En second lieu, par voie de dissemblance, et c'est ainsi que l'on approprie la puissance au Père, pour faire comprendre qu'il n'est pas comme les pères de la terre, que l'âge rend ordinairement infirme. Ces appropriations, et autres semblables, ont pour but de nous mieux faire connaître les propriétés des personnes et de faire ressortir les vérités de la foi dans tous leurs jours. En agissant ainsi, nous ne faisons, d'ailleurs, qu'imiter l'apôtre, qui dit, « Nous prêchons Jésus-Christ, qui est la vertu et la sagesse de Dieu. » 1 Corinthiens 1, 23. 8. Les saints docteurs ont-ils fait aux personnes divines une appropriation sage des propriétés de l'essence? Pour en juger, on peut considérer Dieu sous quatre aspects. Premièrement, d'une manière absolue, comme être. Sous ce point de vue, saint Hilaire attribue avec raison l'éternité au Père, qui est un principe sans principe, la beauté au Fils, à cause de l'intégrité avec laquelle il représente parfaitement les attributs de Dieu, et de son harmonie comme image fidèle du Père, l'usage au Saint-Esprit considéré comme amour du Père et du Fils, dont il fait les délices, et comme don par rapport aux créatures. Secondement, comme être, un. Saint Augustin, se plaçant à cet autre point de vue, attribue l'unité au Père, principe sans principe, l'égalité, qui suppose moins deux êtres, au Fils, principe découlant d'un principe, et la connexion, qui ne peut se trouver que dans un troisième, au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est du Père et du Fils. Troisièmement, comme cause. Ici la puissance convient au Père, qui renferme l'idée de principe, la sagesse au Fils, qui est la conception de la sagesse éternelle, la bonté à l'Esprit Saint, qui est amour. Quatrièmement, relativement aux effets. Alors le Père est le principe duquel, ex quo, le Fils, le principe par lequel per quem, le Saint-Esprit, le principe dans lequel, in quo. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.